Une sinistre main sortait de l'infini. Vers la trompette, effroi de tout crime impuni qui doit faire à la mort un jour lever la tête, elle pendait, énorme, ouverte, et comme prête à saisir ce clairon qui se tait dans la nuit, et qu'emplit le sommeil formidable du bruit. La main, dans la nuée et hors de l'invisible, s'allongeait. À quel être était-elle? Impossible de le dire, en ce morne et brumeux firmament. L'œil, dans l'obscurité, ne voyait clairement que les cinq doigts béants de cette main terrible. Tant l'être, quel qu'il fût, debout dans l'ombre horrible, sans doute quelque archange ou quelque séraphin immobile attendant le signe de la fin, plongeait profondément sous les ténébreux voiles, du pied dans les enfers, du front dans les étoiles. Fin du poème 60, intitulé « Hors des temps ».